cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, na'am ash-shubhatu al-thaniyatu ashar, la 12e shubha. Qui c'est qui peut la résumer? أحسنت. أن أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي قصة ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وما كفروا. فبعض المشركين يقولون si eux ils sont pas sortis de l'islam alors qu'ils ont fait cette demande, فeux كذلك ils sortent pas de l'islam malgré qu'ils ont demandé à autre qu'Allah عز وجل. والجواب est واضح. Il y en a la différence, si tu as compris la différence entre les deux situations, et la situation des mouchriquins aujourd'hui et les deux histoires, les deux récits qu'ils ont pris comme argument, bi'idnillahi azza wa jalla, tu pourras répondre. Indaman, tafadhal. الجواب هو أنهم أي بني إسرائيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلوا. نعم ما فعلوا. أي ils ont pas adoré autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a montré que c'était haram et ils n'ont pas fait. Amma ha'oula Zed Ha'oula yaf'alou. Naam, ya'bouduna ghayr Allah wa yad'ouna ghayr Allah Azza wa Jalla. Ha'oula ils ont fait, ils ont demandé et ils sont conseillés, ils n'acceptent pas. Donc ils prennent comme argument hadhihi al-qissa. أو هاتين القصتين. إذا سأمنطق الانحراف الواضح. في الحقيقة كما تقدم معنا في الدرس أن أهل الباطل يستخدمون des arguments et eux-mêmes ils savent que c'est pas des arguments لكن pour repousser le حق فقط. وإلا y a aucun rapport entre les deux situations. في الحقيقة s'ils auraient pris comme exemple les compagnons de Moussa عليه الصلاة والسلام et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع, ils auraient écouté le نصح. Annahum, ils se sont trompés, ils ne savaient pas. Ahlul Haqq, ils leur ont montré que c'était du shirk, cette demande d'intercession. C'est un dua, et un dua, c'est l'ibada, donc c'est du shirk. Et ils auraient délaissé, comme ils ont délaissé Al-Awwaloun. Lakin, Al-Haqqa, ils ont pris cet argument en pensant que c'était pour eux, alors que c'est contre eux. Enfin, la deuxième shubha. Avec la réponse, c'est très très clair. قال رحمه الله الشبهة الثالثة عشرة. La 13e شبهة. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. الحقيقة on a déjà traité cette shubha dans les dorous précédents. المؤلف رحمه الله il en a déjà parlé. الشارح كذلك العلامة الفوزان حفظه الله. لكن هنا il l'a cité à part. لماذا؟ لأن المشركين il la répète souvent. Et khulasatu al-shubha, en résumé, annahum, ils ont cité des hadiths sahiha, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tuer celui qui dit la ilaha illallah. Mathalan, qissatu Usama radiyallahu ta'ala anhu, lama qatala cet homme qui a dit la ilaha illallah, après que Usama il a eu le dessus sur lui et il voulait le tuer, fa qala la ashhadu an la ilaha illallah. Fa Usama radiyallahu anhu ijtahada wa qatala. Usama il a pensé que cet homme il a dit la ilaha illallah que pour protéger son sang pour ne pas se faire tuer, faqatala. Il a pensé qu'il n'était pas sincère, véridique. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit لا إله إلا الله؟ لا شك أن أسامة رضي الله عنه اجتهد. أي il a pensé que ce qu'il a fait c'était حق رضي الله عنه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أي celui qui dit لا إله إلا الله فإلى معصوم الدم والمال والعرض. Fahum, la Shubha, en argumentant avec ces hadiths, ils disent que, hum, ils disent la ilaha illallah. Donc, leur sang, leur honneur, leur bien, ila akhirah, ils sont haram. Et c'est des mu'minoun, des muslimouns. Falihada, ils pensent, hum, annahum, ils doivent être traités en tant que muslimoun, muwahidoun. Et, nafs al-shay, l'istidlal, il n'est pas à sa place. Limada, qala rahimahullah, wa murad ha'ula, al-jahala. أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. يتقدم معنا في الدرس القصدي أن هذه الكلمة العظيمة لها نواقض. Cette شهادة, ce témoignage, أن لا إله إلا الله. في الحقيقة إلى دي نواقض. هي دي الشوز كي لانول كي لغن باطل. فلهذا c'est pas tous ceux qui prononcent cette كلمة أنهم يستفيدون منها. Et le meilleur exemple c'est le munafiqun. المنافق النفاق الأكبر يبخنوس الشهادة. C'est pour ça que les gens ils pensent que c'est un musulman. Et في الحقيقة لا يستفيد من هذه الكلمة العظيمة شيئا. لماذا؟ لأنه il l'a annulé. Mais il l'a prononcé في الحقيقة il l'a contredit avec son kufr et son mensonge et son manque de véracité et de sincérité. فلا يستفيد منها. Donc un point important هنا أن هذه الكلمة on doit la prononcer avec la langue لكن elle a des conditions et des annulatifs. الإنسان pour qu'il en profite bien sûr il ne faut pas qu'il contredise هذه الكلمة بناقد من نواقد كالشرك أو السحر أو سب الله أو نفاق عيادا بالله اعتقادي tout ça annule هذه الكلمة كما تقدم معنا. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. Malgré qu'ils disaient لا إله إلا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وكفرهم. لماذا؟ لأنهم même s'ils ont prononcé هذه الكلمة ils n'ont pas admis, ils n'ont pas cru أن le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'était un prophète, un rasoul pour le jami. Donc كفروا. مثلا يهودي اليوم سي veut dire اشهد ان لا اله الا الله اي ساعد on lui dit tu dois dire اشهد ان محمدا رسول الله tu dois reconnaître ان القران سي حق ان هذا الاسلام سي حق الى اخره دي لا دي انا je témoigne لا اله الا الله même s'il fait pas de shirk et témoigne il ne témoigne pas que محمد صلى الله عليه وسلم c'est le messager d'Allah ça reste un kafir. لماذا؟ لان هذا الاسلام سي une عقيده عظيمه. On n'a pas le droit de prendre ce qu'on veut, on délaisse ce qu'on veut, comme taqaddam. قال وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. Et tout ça تقدم معنا. C'est preuve pour démontrer أن بعض الناس prononcent لا إله إلا الله لكن c'est pas des مسلمون. فلهذا علي رضي الله عنه حرق هؤلاء وكفرهم. لا شك أنهم ils ont prétendu que علي c'était le بالإله. فمام سي ديز أشهدوا أن لا إله إلا الله لكن ils ont cette عقيدة فاسدة. فcest pas des مسلمون أبدا مام سي prononcent لا إله إلا الله ليلا ونهارا. قال وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. أن هؤلاء يقولون أن s'il rejette certaines choses, même s'il dit la ilaha illallah, c'est un kafir pour eux. Et عند التوحيد, ce tawhid, iyadam billah, qu'ils ont annulé avec leur shirk, pour eux, هذه الكلمة qui prononce, elle est sahiha. Et elle n'est pas annulée. هذا c'est من الجهل العظيم. Tu le vois, هذا عند الجهال, أن ربما واحد ما يصوم. Peut-être qu'il fait pas siyam. Pas من باب أنه يكذب. هذا الركن العظيم. Il croit que, il a la conviction que Ramadan c'est haq, il a vrai, lakin il le fait pas. Il a certaines faiblesses, c'est très très grave, c'est un très très grand péché de ne pas faire siyam, lakin ça ne fait pas sortir de l'islam. فعندهم سن عظيمة كبيرة لا تغفر celui qui ne fait pas siyam. وفي المقابل peut-être que cet homme, ce jahil qui pense que siyam ça annule l'islam, peut-être que lui il fait du shirk, il attend autre qu'Allah, et pour lui c'est pas quelque chose de grave. بل سن عبادة عظيمة انقلبت الموازين. لماذا عند هؤلاء انقلبت الموازين؟ Ils ont plus de principes, ils mélangent beaucoup de choses. فعندهم celui qui ne fait pas siyam c'est pas un musulman, celui qui fait du shirk ça reste un musulman. لماذا؟ لأن ils ont fondé leur din sur العادات والجهل والتقليد. Vu que عند كثير من الناس الآن celui qui ne fait pas siyam c'est très très grave. حتى ils ont exagéré, Obama ils le font sortir de l'islam. البعض يسويه. الشرك vu que c'est propagé, c'est des ignorants, ils savent pas la gravité. فعندهم c'est pas grand chose. Et عند البعض c'est une ibada, c'est une adoration. عيادا بالله. هكذا celui qui s'éloigne du ilm, tout se mélange. Les priorités, ils ne leur donnent plus de sens et d'importance. Et Obama quelque chose qui est moins important, il lui donne une importance ou énorme. Hatta ça se mélange. قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. بعضهم يفهم لكن من باب التلبيس. بعضهم يفهم لكن من باب العناد. Il pense que c'est une hujja. Même si tu lui montres le haq, il citera d'aiman cet argument. فعلى كل حال هؤلاء c'est des juhal. Et ça nous montre l'importance في الاستدلال de citer un hadith dans n'importe quelle masala, que le hadith il soit authentique bien sûr, et que le hadith il y a un wujh في الاستدلال, et qu'il soit à sa place. Et pour qu'il soit à sa place, il faut revenir à Ahlul Ilm. Amma n'importe qui cite comme argument des hadiths de sa tête, هذا c'est une porte d'égarement يدن بالله qui est ouverte. فلهذا كثير من الناس ils sont rentrés par cette porte وانحرفوا. انظر هؤلاء ils ont cité des adillah, hadith Usama ila akhri, c'est des adillah sahiha في الصحيح وفي غيرها, لكن ça n'a rien à voir avec le sujet. الاستدلال est le fait de citer un argument, une preuve. Il faut deux choses. Il faut que le hadith, l'argument, il soit sahih. Si c'est un verset du Coran, alhamdulillah, c'est clair. Si c'est un hadith, il faut que ce soit sahih, thabit. Et kadhalik, il faut que des savants aient précédé vers l'istidlal. Wa illa, qui c'est qui a précédé haoula dans hada l'istidlal? Celui qui prononce la ilaha illallah, fa il est ma'soum d'dam wal ma. Min ayn hada? Pourquoi les sahaba radiyallahu anhum, ils ont combattu haoula? Pourquoi Ali radiyallahu anhum, il a combattu هؤلاء السبائية؟ Pourquoi Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه il a combattu ceux qui n'ont pas voulu sortir zakat après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام؟ Pourquoi le munafiq يوم القيامة Allah سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين يسرون في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يبخنص لا إله إلا الله؟ Ça c'est من الجهل. كذلك ça nous montre la gravité de prendre un argument, une preuve, et fermer les yeux sur le reste. لأن السحديث إلى صحيح لكن إلى expliqué par d'autres. Celui qui dit لا إله إلا الله نعم إلى معصوم المال والدم إلى آخره, sauf s'il la contredit, sauf s'il fait une chose qui annule son islam. Enfin, le fait de prononcer ça sert à rien. Voilà. En résumé, هؤلاء الجهال انحرفوا لماذا؟ لأنهم ils ont cité comme argument des preuves qui ne sont pas à leur place. Et كذلك لأنهم ils ont pris une partie des preuves et ils ont délaissé le reste. Enfin, tout ça, ayyadan billah, c'est une cause d'égarement. Fal hadar min hadha al-maslak, il est très très grave. Qala rahimahullah, walakin a'da Allah ma fahimu ma'na al-ahadith, fa amma hadith Usama فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم، على كل حال أن أسامة رضي الله تعالى عنه والصحابي الجليل اجتهد، il a pensé que cet homme il était pas véridique فقتله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré أنه il n'aurait pas dû le tuer. لماذا؟ لأنه il a prononcé الشهادة. Celui qui prononce cette shahada, il rentre dans l'islam. ثم si on s'aperçoit أنه il était pas sincère ou أنه il a contredit avec un annulatif, c'est autre chose. Et cette prononciation, elle lui est d'aucune utilité, comme elle a été d'aucune utilité pour les hypocrites. فهذا. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. Et ça c'est une قاعدة importante dans notre دين أن les gens les prennent sur l'apparence. لماذا؟ لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. Celui qui prononce la shahada et en apparence c'est un musulman et il fait salat et il est avec les musulmans إلى آخره، on dit c'est un musulman. لا يجوز التكلف et essayer de le faire sortir de l'islam avec des doutes ou avec des on-dit ou avec des suppositions. لا يجوز، c'est un musulman، ça reste un musulman. S'il n'est pas véridique، s'il ment إلى آخره، فيوم القيامة il sera jugé sur son couvre. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay, azza wa jal. Là c'est très très important. Et une des preuves c'est hadith Usama radiyallahu ta'ala anhu. Wa hakadha celui qui fait apparaître sunna, il est ma'ah le sunna. Falhamdulillah, c'est un sunni. Amma al-ba'd, iyadan billah, ils exagèrent, ils ont un takalluf, ils veulent trouver une erreur, hatta ils sortent de sunna ou de l'islam. Hadha la yajouz. هذا لا يجوز. Si il fait une chose qui le fait sortir de la sunna ou de l'islam, alhamdulillah, c'est autre chose. هذا ما tant qu'il est على ما هو عليه من اسلام او ايمان او سنه الى اخره, فالحمدلله, on le laisse على هذا. لا يجوز لنا de prétendre انه il est sorti de l'islam ou de sunna بلا دليل. لا يجوز هذا. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله, أي حديث أسامة الذي تقدم, نعم, في الصحيح في صحيح البخاري قال من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما, هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث صحيح. أي رحمه الله إلى ستة هذا الحديث pour démontrer أن هؤلاء الخوارج لا شك أنهم ils prononçaient الشهادة, بل كما سيأتي ils faisaient beaucoup de عبادات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. malgré cela le prophète عليه الصلاة والسلام أخبر أنه si il les aurait rencontrés لقتلهم, il les aurait combattus عليه الصلاة والسلام. donc ça nous montre أن البعض ils disent لا إله إلا الله, mais malgré cela leur mal ou leur sang il n'est pas معصوم. أما est-ce que les خوارج c'est des kuffars أم لا, هذا c'est un autre sujet. كما تعلمون العلماء اختلفوا, certains savants ils les ont fait sortir de l'islam, et parmi leurs adillah ce genre de hadith. قال مع كونهم من اكثر الناس او مع كونهم من اكثر الناس عباده وتهليلا حتى ان الصحابه رضي الله عنهم يحقرون انفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابه فلم تنفعهم لا اله الا الله ولا كثره العباده ولا ادعاء الاسلام لما ظهر منهم مخالفه الشريعه. نعم, هذا الكلام كأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى كفرهم قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة هذا سحال الكفر. أما est-ce que c'est des kuffars أم لا القول الصحيح الله أعلم به ça demande des recherches لكن نحن نستطيع هذا que pour vous montrer أن لا تستغربوا هذا القول لأن البعض peuvent dire لكن الخوارج c'est des مسلمون وهنا الكلام كأنهم c'est des kuffars بعض العلماء يكفرونهم. نعم الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح il a cité الخلاف en détail et d'autres savants ils disent que ça reste des مسلمون. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المشتلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه أي إلى سيتي أن أوتر إكزامبل et à la kulli hal, c'est la même ma'na. Et c'est pas tous ceux qui prononcent la ilaha illallah anna hadil kalima tanfa'uhum. Donc pour que cette kalima elle soit profitable pour le mu'min fi dunya wa fil akhirah, fala bud qui prononce cette kalima bi sidq wa bi mahabba wa bi ikhlas, la sincérité, il doit aimer cette kalima, il doit aimer le din, il doit être véridique, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. أما أدغي أترك الله فسأنل جميع الأعمال الشهادة أتر. Donc cette kalima elle est très très importante et كذلك il faut la préserver بالعلم والعمل والتوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين لتفريج الكروبات أن هذه أمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذا c'est très très grave هذا المعتقد. Il est fondé sur le jahl. Et on l'a expliqué كثيرا dans cette risale. أن dire لا إله إلا الله c'est طيب. خاصة bien sûr avec les شروط إلى آخره. لكن الإنسان يحذر de pas contredire هذه الكلمة بكفر أو بشرك. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة ابن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك ظنا أنه إنما قالها ليسلم من القتل فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر. Donc c'est ça Shubha. Ils ont pris comme argument hadith Usama radiyallahu an et des autres hadiths min hadal bab ay fi fadl la ilaha illallah et ils ont pensé à celui qui dit la ilaha illallah face à un muslim. Et rien ne peut annuler son islam. Rien ne peut contredire cette shahada. Et ils se sont basés sur hadal hadith. قال الشيخ الفوزان وكذلك استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قالوا فهذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة لا يقتل ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك في العبادة مع الأموات والأضرحة الأموات لموغ الأضرحة لموزولي والصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله تأكد لا إله إلا الله عند هؤلاء même s'il adore les morts même s'il fait du shirk akbar في هذه الأضرحة dans ces mausolées même s'il sacrifie pour autre qu'Allah فعندهم ça reste un مسلم. قال هذا حاصل شبهتهم وهي شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ربما تروج عليه لا سيما أنهم أنهم طلوها طلوها بطلاء خاضع وهو الاستدلال إلى حديث الصحيحة لكن في غير موضعها. Et c'est ça la gravité de هؤلاء, le danger de هؤلاء pour الأمة. أن الجاهل ربما يpense أن هؤلاء يجيز الحق تعلمون أن Kathiran min al-muslimin, quand ils entendent un délil min al-Qur'an ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que forcément celui qui parle, il a le haq. Limadha li anna, ils ignorent ce qu'on a dit précédemment. Anna, citer un délil, c'est une chose, lakin pour que ce délil il soit à sa place avec une compréhension correcte, c'est une autre chose. Comme min al-nas, ils utilisent, ils citent des arguments, et fait le haqiqa, ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu as un exemple. Amma, quand il se base sur des rêves ou des khurafas, des histoires, il a akhiré. Falhamdulillah, kathirun minan nas, ils font pas attention à eux. Lakin al-khutura, elle est plus grave, le danger, il est énorme quand ils citent des adils. Falihada, nahnu, on doit connaître ces choubas pour pouvoir répondre et montrer. Anna, c'est pas tous ceux qui citent un hadith ou un verset du Coran al-Karim. Anna, hum, ils ont le haq. Al-rawafid, akhzahum Allah. Ils appuient certains de leurs égarements avec des adillah. Min al-Qur'an wa min al-Sunnah. Wa hakad al-Khawarij wa hakad al-Jahmiya. Fama'a hada, est-ce que on conclut que leur kalam il est haq li annahum ils ont cité un dalil? Abadan. Qala wa qad ajaba al-Sheikh rahimahullah an hadhihi al-shubha bi sittatin ajwiba mujmala. Ou mujmaluha. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il a résumé les réponses du Sheikh en ces points. Fali hada. شرح العلامة الشيخ الفوزان إلى نافع جدا خاصة pour le tadris, il est très simple. لأن quand الشيخ il détaille un peu la réponse, il المؤلف رحمه الله فالشيخ الفوزان حفظه الله il la récapitule en plusieurs points comme تقدم. قال الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله فقاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمة ولم تنفعهم هذه الكلمة ولم تكن مانعة من قتلهم لماذا؟ لأن هؤلاء annulé cette كلمة بكفر مثلا اليهود ils ont pas cru au Coran et au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام فالله قول أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله c'est باطل c'est pas accepté لماذا؟ لأن ils ont annulé هذا الإيمان بكفر ils ont pas accepté أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un رسول وأن القرآن c'est كلام الله قال والجواب الثاني في بيان تناقض هؤلاء لأنهم يقولون من أنكر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو أنكر البعث والنشور يكفر عندهم وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عندهم c'est cet exemple qu'on a donné avec le siyam فعند البعض ربما أما notre époque ربما لا يمكن مم إذا ولو إذا اعترف مثلا الصيام c'est une عبادة عظيمة لكن s'il le fait pas فعندهم ربما يكفرونه مع أن من فعل الشرك عند هؤلاء c'est pas très grave لماذا؟ لأنهم c'est des جهال ils ont pas appris دين الإسلام عند أهل العلم ils ont pas appris الإسلام en se basant sur le Coran ou le Sunnah avec des règles, avec des ضوابط بالتدرج, avec استمرار en revenant au sermon de la Sunnah أبداً فقط ce qu'ils ont entendu de leurs parents ou ce qu'ils entendent dans la rue ou ce qu'ils ont vu dans tel rêve هذا c'est ça leur علم Allez, tu trouves tachabot ou adjahl ou des choses qui sont très très graves. Qala al-jawab al-thalith anna ma'na hadith Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma laysa kama fahimu anna man qala la ilaha illallah yakun musliman walau fa'ala al-shirk wal-kufr wa innama ma'na anna man qala la ilaha illallah wajaba al-kaffu anhu hatta yadharu minh ما يخالف مدلول هذه الكلمة من كفر أو شرك هذا واضح لماذا؟ لأن هذا الرجل لا دي أشهد أن لا إله إلا الله أسامة رضي الله عنه إلا تبين لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شققت عن قلبه Est-ce que tu as ouvert son cœur et tu as vu est-ce qu'il est sincère, véridique ام لا ça nous montre أن celui qui prononce cette كلمة On n'a pas le droit de l'accuser. Annahu, il ment, annahu, il n'est pas sincère, tant qu'on n'a pas une preuve. هذا لماذا لأن هذه الأمور c'est بالظاهر. أما celui qui dit لا إله إلا الله ثم يذبح لقبر il sacrifie pour une tombe ou il demande à un mort ou il demande à Sidi Foulain la guider ou la guérison. هذا il a prononcé لا إله إلا الله لكن il l'a annulé. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Contrairement à cette histoire avec Usama radiallahu anhu, cet homme qui a été tué, il a dit ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce qu'on a vu une chose de lui, une preuve annahu il a annulé hadith shahat Allah? فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a pas accepté vers Usama. Amma haoula, ils ont pris cette histoire comme argument. Et l'un, c'est clair pour tout le monde, walillahi alhamd, anna cette histoire n'a rien à voir avec ce qui prétendent haoula. Wal jawab al-rabi, anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, fa'amara subhanahu wa ta'ala bittabayyuni, ya'ni at-tathabbud bisha'ni man qala la ilaha illallah. فما فائدة التثبت إذا كان لا يقتل إذا قالها ولو فعل ما فعل. C'est un دليل أنه إلى contredit هذه الكلمة العظيمة بكفر أو شرك أو ناقد من نواقض الإسلام. فهذه الكلمة elle est plus utile pour lui. Et الحاكم المسلم il a le droit d'ordonner أن الحد يقام على هذا الشخص. قال والجواب الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله وورعا بل هم تتلمذوا على الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتنافى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن. هؤلاء فالحقيقة في قصتهم عبر وفوائد pour nous. Je peux tirer beaucoup de leçons de حال هؤلاء الخوارج. فتأمل أنهم كما قال هنا من أشد الناس عبادة وخوفا إلى آخره. Comme il les a qualifiés النبي صلى الله عليه وسلم. Que ce soit قراءة القرآن, que ce soit الصلاة, que ce soit القيام, que ce soit الجهاد, que ce soit أنهم ils faisaient beaucoup d'efforts. Et ne pas comparer, quand vous entendez le khawarij avec leur awsaf, ne pas les comparer au khawarij d'aujourd'hui. Annahum la ilmu la ibada. Amma al-qudama, les premiers qui étaient à l'époque de sahaba radiyallahu anhum, fa kanu mujtahidina fil ibada. Donc ça c'est leur première sifa. Kadhalik tatalmadhu ala sahabati radiyallahu anhum. Limada li annahum ils étaient à l'époque de sahaba radiyallahu anhum, et kathir min haoula, ils ont pris l'ilm min al-sahaba. Lakin ma'a hadha inharafu hadha al-inharaf. Hatta kama taqaddam ma'ana anna ba'd al-ulama yukaffirunahum. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya. Ils vont sortir de ce din comme la flèche elle sort de sa proie. Et ça c'est un délil. Ay 'inda man yaqul bi kufrihim. Ala kulli hal ta'ammal 'ibadata. Et ils ont pris l'ilm عن الصحابة. تستفيد ماذا أنت أخي الكريم؟ تستفيد أن لا تغتر بعلمك وبعبادتك. Fais attention. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للعبادة وللعلم فاشكر الله. Et التواضع. Et tu dois être modeste. Et tu dois jamais oublier أن الله عز وجل فضلك. La question qu'on peut se poser l'an, comment ils se sont égarés, haoula? Ils se sont égarés à cause de l'hawa. Ils se sont égarés l'imada. Les anna, ils n'ont pas accepté de revenir à sahaba radiyallahu anhum quand il y a eu le fitna. Ça c'est très très grave. Et comme min talabat al-ilm, ils s'égarent fil fitna, ils ne reviennent pas à ahlul ilm. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit à haoula al-khawarij? Quand Ibn Abbas radiyallahu anhuma nadharahum, Ibn Abbas il est parti à leur rencontre et il les a conseillés. Limada li'anna Ibn Abbas il était respecté même par le khawari. Limada li'annahu c'est Ibn Ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait du'a pour lui. Hum, ils savaient tout ça. Et ils le respectaient. Ils ont écouté de lui hatta raja al-kathir minhum. Beaucoup d'eux sont revenus ma'a Ibn Abbas. D'autres ils se sont entêtés. Et haoula qui se sont entêtés, leur ilm et leur ibada, elle n'aura pas été utile à ce moment. Limada, لأنهم ils ont dit أنتم رجال ونحن رجال. Et quand Ibn Abbas il leur a montré qu'il n'y a aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ma'akum. La haqiqa c'est une hujja qawiyya. Si le haqi sera avec vous, il y aurait des compagnons ma'akum. فلماذا الصحابة رضي الله عنهم ils sont pas avec vous, ils sont avec Ali رضي الله عنه. Hum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous êtes des hommes, on est des hommes. On n'a pas besoin. Pourquoi ce serait nous qui reviendrions à vous? Pourquoi ce n'est pas vous qui revenez à nous? Anzur. Harafou. Falihada, عند الفتن, tu ne dois pas oublier ceux qui étaient avant toi. Il y en a بعض الناس يغتر. Il commence à être motivé fait l'ibada, il commence à avancer fait l'ilm, فيغتر بنفسه. Ça, c'est باب الهلكة pour الطالب. Là, toujours la modestie est. Reviens à ceux qui étaient avant toi. Khassatan al-ulama al-kibar. Khassatan en période de fitna. Al-khawarij n'haravu. Limada li anna al-fitna lama ta'ti fa ta'ti bi quwwa. Et celui qui revient par l'ilm, il n'a pas de modestie et il veut se montrer et il veut défendre sa position absolument. Parubama yal-harif. Même si c'est abid, même s'il a du ilm. Fala tadun anna al-khawarij, ils n'avaient pas de ilm du tout. لا عباد العبادة النبي صلى الله عليه وسلم montré أنهم ils avaient beaucoup d'ibada et là chaque ils avaient des connaissances لماذا لأنهم ils vivaient dans ce مجتمع خير القرون la meilleure génération qui ait jamais eu sur terre la génération du prophète صلى الله عليه وسلم et ceux qui l'ont accompagné من الصحابة ils ont vécu في هذا المجتمع مع هذا ça n'a pas été utile لماذا الكبر c'est pour ça que tu trouves الآن ربما طلبت علم ils vivent avec العلماء ربما في أفضل البلدان Et بعضهم ينحرف عيادا بالله. Pourquoi? لأن il faut faire attention. Ne jamais rabaisser les autres بغير حق. Et ne jamais se sentir à l'abri من الانحراف. Celui qui se sent à l'abri, en fait, il a ouvert la porte. عيادا بالله. الشيطان il peut le pousser à tout moment. فنستفيد من هذه القصة باختصار أن العلم والعبادة c'est très très important. لكن on fait attention. De ne pas s'égarer, iyadun billah, en pensant que, khalas, hadil ibada wa hadil ilm, c'est des choses acquises, et on ne peut plus s'égarer, et il n'y a que les autres qui s'égarent. Et on pense toujours avoir raison. Et on contredit da'iman les autres. Hagad al-khawarij. Al-khawarij, hatta, quand Ali radiallahu anhum, il leur a montré, annahu yahkum bi kitab illah ila akhire, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit là, yuhakim al-rijal. Qui c'est qui va appliquer ce Coran? C'est le Rijal. Qui c'est qui comprend le Coran? C'est les savants. Hum, ils ont dit là, yuhakim al Rijal. On doit le valal. Ça montre qu'ils n'ont aucune hujja, ils allaient l'accepter. Allez, هذا, Ali, radiallahu anhu, wa man ma'ah, qataluhum, ils les ont combattus. On fait attention à هذا, à ne pas être entêté. Et ne pas penser, yadam billah, n'a tout le monde égaré, il n'y a que nous qui sommes à la haqq. Il n'y a que notre professeur qui est à la haqq, il n'y a que notre shir qui est à la haqq. Tout le monde est égaré, on n'accepte pas la haqq. Ah là, c'est khatir, jiddan. L'insan, il respecte les ulama et sunna. Où qu'ils soient, on les connaît, on ne les connaît pas. C'est ton shir, c'est pas ton shir. Tant que c'est un savant de la sunna, tu hibbuhu fillah. Bel, même si ce haqq vient min adou, min al-a'da, min munharif, si c'est un haqq, c'est haqq. On ne peut pas rejeter le haqq. ولو si on lui demande pas le haqq لان الحق لا يطلب من اهل الاهواء لكن si c'est un haqq واضح on dit c'est le haqq et صاحبه c'est un كذاب صدقك وهو كذوب هذا c'est important قال والجواب السادس قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق لجباية الزكاة ولكنه لم يذهب إليهم بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله لماذا؟ لما بلغه أنهم منعوا الزكاة فمنع الزكاة يتنافى مع قول لا إله إلا الله نعم celui qui dépasse الزكاة en pensant que ça fait pas partie du دين هذا c'est très très grave قال هذا ملخص أجوبة الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة هذه هي la 13e شبهة elle est simple et في الحقيقة تقدمت معنا لكن هنا il l'a cité à part pour répondre à Akhtar rahimahullah. Il manque deux shubha, la 14e et la 15e. Donc maintenant on a fini, walillahilhamd. On essaiera de finir donc cette semaine. Bi-idhnillah.